Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu aimes la Jamaïque? Oui. Et est-ce que tu aimes New York? Moins. Et est-ce que tu aimes Tom Cruise? Oui. I feel the need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Anchorman does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Cocktail, film sorti en 1988 de Roger Donaldson, où Tom Cruise incarne le jeune et faible Brian Flanagan. Alors, on va démarrer gentiment. Serena, est-ce que tu avais déjà vu ce film et est-ce que tu étais contente de le voir? Alors, j'avais pas vu. Je commence à soupçonner que mes parents m'ont protégé de tous ces films des années 80. Je les remercie d'ailleurs pour ça. Et oui, j'avais envie, de le voir. Okay. Cocktail, pourquoi pas? Tout le monde en parle. Oui. Des envies un peu malsaines. Ouais. Et toi? Et moi, je l'avais vu une fois ou deux, peut-être gamin, en mode deux vidéoclub. Bah, tu sais, ça passait à la télé, tout ça, on les regardait parce que c'était Tom Cruise, machin. Mmh. Mais j'avais pas vraiment de souvenir, à part que c'était un peu kitsch. J'étais pas inquiet de le revoir. Ah ouais, ah ouais, d'accord. J'étais inquiet après l'avoir revu. Mais bon, c'est pas très grave. Alors. On va se faire un petit résumé du film. Résumé. Très bien. Nous commençons le film avec des écriteaux en néon. On voit déjà l'ambiance. Tout le long des néons. c'est trop. Je trouve ça classe. Mais bon. Tweet en néon. Bam, Tom Cruise, cocktail, blablabla. On retrouve des militaires. Alors, on ne sait pas s'ils ont fini les services militaires ou s'ils reviennent de la guerre. Ce n'est pas très clair. Mais je pense qu'ils ont fini les services militaires. Bon, bref. Bah après, ils nous disent qu'ils reviennent de la guerre. On apprend plus tard qu'ils revenaient de la guerre, qu'ils avaient fini son truc. Et qu'ils suivent un bus et qu'ils disent « Non, arrête ah, prête, prête !» Ils sont en bloc. Les bus s'arrêtent. Tom Cruise descend de la voiture. « Ah, ciao les gars !» Il monte dans les bus et il va vers New York City. Et pourquoi est-ce qu'il va à New York City? Ben, parce que... une surprise pour les années 80, il veut faire de l'argent. Encore. D'ailleurs, j'aime bien parce que pendant tout le film, ils lui font lire des bouquins et c'est toujours comment transformer une idée en un million de dollars, comment faire de la thune hyper vite et tout. Donc, il est dans les bus, il arrive à New York, il va voir son oncle, Oncle Pat. Qui gère un petit bar, un PMU de New York, quoi, où il y a que des vieux qui fument, c'est ça. Et il dit que lui, il veut faire de la thune, il veut s'inscrire à l'université, il veut étudier le business et devenir riche, en gros. Non, c'est un peu ça. Oui. Et Oncle Pat lui explique en gros, il faut pas faire de cadeaux. Et il fait payer les bières à tout le monde, même à son neveu. Qui revient de la guerre. Putain, l'Oncle Pat. Il s'en fout, Oncle Pat. Il a un business à faire tourner. C'est vrai. Il a trois clients, ceci dit. Hein. Donc, il s'inscrit à l'université. Il se retrouve dans un bar pour chercher du travail parce qu'il a un peu fait... Il a fait le tour et il y a toute une scène où justement il enchaîne des tonnes et des tonnes d'entretiens et tout le monde lui dit « Mais t'as pas de diplôme, non ?» Voilà. Et il fait genre « Ouais, non, mais moi je sais faire plein de trucs, j'apprends vite. » Tout le monde dit « Bah non, en fait, c'est pas possible. » Bah t'as pas... Oui, c'est clair. T'as pas... Donc, il se retrouve dans un bar où il rencontre Doug... Coughlin. Un mec qui était un bar qui n'est pas un bar... super chic, quoi. C'est un bar, un pub. C'est un bar où les gens vont après le boulot se déglinguer. Oui, pour boire des cocktails. Le titre du film. Pour les gens qui n'auraient pas compris. Et donc, il est embauché là. Et Dag, il le prend un peu comme son aile. Oui. Il lui explique la vie. Oui. Je sais pas. Un deuxième mec qui lui donne des conseils absolument pas à suivre. Voilà. Et comment... T'as des résumés un peu des conseils que pourrait donner Dog? Alors, par exemple, il y en a. J'ai noté deux phrases vraiment centrales du film. La première, Dog dit à Brian, pour être un bon barman, tu dragues la meuf, tu as l'argent du mec. Et ça, voilà. Voilà. Ça vous pose les bases. Et la deuxième, qui est encore pire, si tu vois la couleur du slip, ça veut dire que tu es un bon, que tu es doué. Mmh. Et ça, c'est vraiment ça va être la base. Ça, tout le film. Voilà. Et donc, Dag lui dit, mais non, qu'est-ce que tu apprends à l'université, c'est nul. Viens ici, je t'apprends la vraie vie, moi. Comment faire de la thune, comment draguer les filles, comment être dégourdi. Tom Cruise, il est toujours avec sa chemise blanche et son pseudo-costard pour pouvoir faire sérieux. Mais Dag, voilà, il lui explique comment c'est décoincé. Donc, il commence à travailler au bar. Au début, il est vraiment nul. Il comprend rien. Il y a plein de monde au bar. Il sait pas faire les cocktails. Il regarde sur son bouquin pour voir comment faire. Et tout le monde se fout de sa gueule. Les serveuses, elles n'arrêtent pas d'engueuler. Même Doug, il lui appuie la caisse enregistreuse. Il appuie sur la caisse enregistreuse pour qu'il se la prenne dans la tête. C'est vraiment pas sympa. C'est vraiment horrible. Et petit à petit, il devient très doué. Il fait des super chorégraphie des cocktails des ouf malades avec Dag. Donc, ils font à deux, ils font des super chorégraphies. Il devient hyper pote. Je crois que même qu'il habite chez lui, c'est pas très clair. Ouais, on sait pas trop. C'est bizarre. À un moment, il y a un moment de petit déjeuner où ils se retrouvent tous les deux. Dag, il s'est fait un méga cocktail de l'espace à 10h du matin. Mais Dag, il est déglingue toute la journée, en fait. Il picole. Des gros soucis d'alcool, Doug. On verra plus tard qu'il a des gros soucis d'alcool. Gros soucis. Et ça donne une idée, c'est vas-y, on va faire de la thune en faisant un super bar qui s'appelle Cocktail and Dreams. Avec, très original. très original. Avec, ils ont l'enseigne avec un néon rose, tu vois. Ouais, c'est trop bien. Vas-y, on le fait vraiment. Ouais. Ils font la super chorégraphie le lendemain au soir au bar. Et il y a un mec dans le public qui lui dit. Mais c'est vrai que c'est pas loin parce que. Ils font une chorégraphie qui juste pour eux se faire un verre. C'est un peu bizarre. Le moindre truc prend des plombes dans ce bar. C'est pour ça qu'il y a tout le monde au bar qui attend. Tout le monde attend, mais ils sont contents, ça leur fait de l'animation. Mais et le mec, il dit, mais vous êtes trop dués. Ça, c'est vraiment américain. Je vous prends, moi, j'ai un lieu qui est hyper chic. Je vous embauche tous les deux. Demain soir, vous bossez chez moi. Alors que son lieu, il est ultra glauque. Et on ne sait pas pourquoi Dag, qui est quand même le gérant de son bar, du jour au lendemain, il dit, OK. En fait, a priori, il n'est pas gérant, il est juste chef barman, mais ce n'est pas le proprio du bar. Je pense que c'est pour ça qu'il... D'accord. En tout cas, il se retrouve au Cell Block. Alors là. De boîte de nuit des années 80. La hype. Avec le thème de prison. C'est horrible. C'est trop glauque. Mais ils ont un méga bar hyper grand. Il y a plein de monde. C'est une boîte de nuit. Donc il y a plein de jeunes, machin truc. Ils font leur chorégraphie. Tout le monde les adore. On comprend déjà qu'ils sont Ils font des poèmes. C'est là où ça commence à vraiment s'instituer. Truc de poète barman. Quoi. Ça, c'est les grains. C'est les débuts. En fait, à un moment, il y a un poète qui vient dans la salle et qui fait son poème par rapport au capitalisme et de dire « Moi, je veux faire de la thune. » Déjà, fait un poésie sur « Je veux faire de la thune. » Bon, passons. Et Tom Cruise, Brian Flanagan, dit « Non, moi aussi, je veux faire un poème. » Il monte sur les bars et il dit en gros « Buvez des cocktails, faites-vous un shot. » Et en fait, il parle de « Sex on the beach », il parle de « Orgasme » et voilà. C'est donc, un peu pourri comme poème. S'il est vraiment improvisé. Ouais, quand même. Il est très, très bien maîtrisé, je trouve, cette impro. Très bien. Donc, après son poème, il descend du bar et il y a une fille qui est photographe qui dit « Ah, mais toi, tu serais trop parfait pour la couverture de Rolling Stones. » Et « Vas-y, je te prends une photo. » Dag, il dit « Ah, mais moi aussi, on est les duos de choc. » Elle dit « Non, toi, tu te mets un peu sur les côtés, s'il te plaît, je vais prendre Kelly. » Toi, l'alcoolo, tu veux me dégage. Tu dégages. Lui, c'est plutôt mignon. Et en fait, elle commence à draguer avec Tom Cruise. Elle lui dit « Combien tu veux quoi ?»« Ah, un orgasme, ça me dirait bien. Tu en veux combien ?»« Ah, multiple. » Multiple orgasme. c'est drôle. Ils couchent ensemble. D'ailleurs, la scène du sexe, je dois dire, très rigolote. Oui. C'est marrant quand même. Ah, j'ai une anecdote sur cette scène. Ah, vas-y. Alors, apparemment, Tom Cruise, il savait que sa partenaire était très chatouilleuse, donc il n'a pas arrêté pendant toute la scène de lui faire des guilis, et elle ne savait pas. Et c'est pour ça que, en fait, la scène où il tombe du lit, c'était improvisé et c'était vraiment spontané. Mais c'est trop beau, je trouve. Tu vois pas la scène hyper mise en scène, genre. Oui. Sexe des années 80, quoi. Sexe des années 80. C'était. Voilà, c'est joli. Donc, Dag, on comprend vite fait qu'il est jaloux. Il lui dit, non, mais tu vois, cette meuf... en fait, il est jaloux. J'en comprends pas trop bien. Mais en tout cas, il se met au milieu. Il dit, mais non, mais tu vas pas sortir avec cette meuf qui couche avec un mec les premiers soirs. Oh mon Dieu, ça se fait pas. Chose que Dog ne fait jamais, hein, clairement. Cet homme est un saint. Et donc, pour lui prouver son point, il la drague. Oui, ils font un match de basket ensemble et Tom Cruise, en gros, lui raconte tout ce qu'il a fait avec cette meuf. Déjà super pas ouf. Et Dog, c'est là qu'il lui dit tout ça, quoi, pendant un match de basket. Bon. Et donc, elle embrasse Dag devant Tom Cruise. Et du coup, Brian Flanagan, Tom Cruise, il est trop triste. Il s'énerve avec Dag et il rompt un peu son amitié avec lui, quoi. Ah oui, et puis ça finit quand même avec Dog qui a un tesson de bouteille et qui menace Tom Cruise parce qu'ils veulent se battre, etc. Et là, c'est la fin. Là, c'est la fin. D'une grande histoire, apparemment, parce que ça va être censé être les meilleurs amis du monde. Nous, on les a vus 3 jours ensemble. Mais oui, on comprend. On va dire que ça a duré très longtemps. L'ellipse cinématographique. Un gros souci de temporalité dans ce film. On ne sait jamais où on se situe. C'est une cata. C'est vrai. Bon. 3 ans plus tard. Deux ans plus tard, pardon. 2 ans plus tard. Qu'est-ce que tu fais quand tu as une rupture amoureuse? Eh bien, tu vas à Jamaïque. Hey. Oui, on a tous fait ça. Travailler dans un bar. Oui. Parce que Tom Cruise, il croit encore qu'il peut avoir de la thune. D'ailleurs, petite parenthèse de l'université, il abandonne très vite parce qu'il travaille la nuit dans les bars, donc il ne peut pas suivre les cours. Ah, et puis qu'il a des profs, il a un prof horrible, quoi. Horrible. La nuisance, ce mec. Non, mais ça, c'est horrible. En fait, ils représentent trop l'université. Ah, c'est dégueulasse. Et les bars, trop génial. C'est ça. Quelle image pour nos enfants. Alors, il s'est retrouvé en Jamaïque. Il est derrière un bar au bord de la plage pour faire de la thune. Tu comprends déjà, c'est 2 ans plus tard qu'il connaît tout le monde. Et il est très aimé. C'était leur plan avec Dog de partir 2 ans en Jamaïque parce que là-bas, tu te fais beaucoup plus vite de la thune et ensuite de rentrer et d'acheter un bar. Tout à fait. Et à un moment, au bar, débarque Jordan, Elizabeth Shue, donc la comédienne, qui dit « Ah, à l'aide !» Alors, je ne me rappelle pas trop bien cette scène, j'ai déjà... Est-ce qu'elle est pourrie? J'ai déjà oublié, mais Paulin, tout à l'heure, me l'a un peu rappelé. Elle dit « À l'aide, j'ai une copine qui va trop mal, appelez les secours. » Donc, Tom Cruise, à la place d'appeler les secours, saute au-delà du bar. Il va voir la fille et qu'on comprend qu'elle a bu trop d'alcool et qu'elle est en coma éthylique sur la plage. Il a sûrement pris trop de soleil. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a foutu. Et il dit... elle est à la réception de l'hôtel. Appelez les secours. Elle a besoin d'aide. on a juste perdu 5 minutes. Mais c'est pas grave. Elle est peut-être morte. Mais bon, c'est pas grave. Donc, il rencontre un peu cette Jordan. Papillon dans les yeux, tout ça. Voilà, c'est une nuit des folies, c'est cascade, je ne sais pas trop. Le lendemain, ils se recroisent au bar, ils se draguent vraiment pour se donner rencard. Mais pendant qu'ils commencent à se dragouiller au bar, qui arrive, qu'il revient, c'est Dog. Mec trop nuisant, t'es tranquille en Jamaïque, je sais pas combien de kilomètres de New York, et il revient quoi. Au même bar, je veux dire, en Jamaïque, et c'est pas non plus si petit que ça. Oui, c'est pas petit, il y en a plein des bars. Alors, il a dû se renseigner. Voilà, il a dû le suivre. Il le stalk. Ouais, c'est horrible. C'est son ex. Il stalke son ex. Donc Dag, il arrive et il est pas tout seul parce qu'il s'est marié avec Carrie, une millionnaire qui a décidé de marier les barman pour embêter sa famille. Donc il est devenu ultra riche d'un coup. Pour lui, c'est les plans pour devenir millionnaire. De toute façon, il a dit à Tom Cruise, pendant tous les films, tu trouves une meuf qui te paye, c'est bon quoi. Donc il lui dit, non mais moi je suis trop amoureuse, la nana elle est trop canon, elle est pleine de thunes, c'est la belle vie, tu vois. Qu'est-ce que tu perds ton temps avec cette nénette qui vaut rien? Parce que Jordan, il faut dire... Elle n'est pas super bien habillée, elle est un peu la fille... Oui, c'est la fille lambda, elle est très jolie. Une bourgeoise, quoi. Oui. Voilà, mais tu ne te dis pas son bourgeoise. Donc, encore des super conseils de Dog. Hein, voilà. Dans merci, la ligne. Dog. D'accord. Et donc, il lui dit, bah, tu devrais pas perdre ton temps avec elle. Drague cette meuf au bar. Il y a une meuf hyper riche, hyper bourgeoise. Tu le vois quand elle s'habille. Donc, il fait un pari en mode, mais tu vas jamais pouvoir, tu vas draguer cette meuf. Et Tom Cruise dit, quoi? Je peux pas, moi? Mec, tu vas voir. Il joue avec la fierté, quoi. Alors que, du coup, c'était le lendemain où il y a eu grosse drague avec Jordan, cascade, amour infini. Love, love. Absolument. Ouais. Mais Tom Cruise prie sur l'orgueil et la fierté. Voilà. Il va draguer l'autre meuf. Il parle avec elle à la fin de soirée. Il s'embrasse et qui passe par là, comme par hasard, Jordan, qui voit qu'il est en train de la tromper. Bon. Alors qu'ils se connaissent depuis deux jours, qu'elle voilà, est en vacances en Jamaïque, et que c'est le barman. C'est pas... Wow. On pouvait s'en douter. Mais bon. Donc, elle part. On voit qu'elle part. Lui, il passe la nuit avec Bonnie, du coup, la riche. Il regrette un peu le matin suivant. Il va chercher Jordan. Il découvre qu'elle est partie. Du coup, il ne regrette plus rien. Du coup, il part avec Bonnie à New York. Il revient à New York et en fait, il devient son entretenu, on dit comme ouais, ça. Ouais, c'est son boy toy. Ouais. C'est ça, quoi. C'est oui. Vraiment, elle a son petit jeune, ça fait bien, il est beau. Il est... Oui, parce que Bonnie, elle est un peu plus âgée, peut-être. Elle n'est ouais. Pas très âgée quand même, mais un peu plus non, âgée. Un petit peu plus. Mais oui, ça fait bien, quoi. Tu te ramènes avec ton petit éphèbe voilà. En soirée. Donc, il se retrouve dans un super appartement à New York. Elle est chef d'une galerie d'art, donc plein de pognon. Il s'ennuie. Donc, il va... Et picole, parce que c'est son atout. Et il va... Et puis, c'est ce que Doug lui a transmis. Il lui a oui. Dit, picole toute ta vie. Il va à la galerie d'art. Il se prend la tête avec un artiste de la galerie. Et il quitte Bonnie. Enfin, on voit que c'est un peu la fin de leur histoire. C'est Bonnie qui lui fout une tarte et qui lui dit, moi, c'est bon, t'arrêtes. Ah oui, c'est Bonnie qui le quitte, pardon. Et donc, il va chercher Jordan, qui lui avait dit qu'elle était serveuse dans un diner, que c'est un peu ces endroits américains qu'on peut imaginer tous, où on t'amène des frites, je sais pas, ces trucs où il y a les ketchup sur la table. Et elle dit, ben non, mais je veux rien de toi. Mais c'est là qu'elle lui dit. Je crois que c'est là qu'elle lui dit. Elle lui dit, je suis enceinte. Ah. Non ? C'est là qu'elle lui dit. Ah, je me rappelle plus si c'était là. Bon, ado, on ne vous a pas spoilé, elle est enceinte. Elle est enceinte. Mais de toute façon, vous avez bien compris, on va tout spoiler jusqu'à la fin oui, de cette émission. Oui, parce que ça vous évitera de le regarder. Ouais, c'est bien, je pense. Donc, elle est enceinte. Lui, dit, ah, mais je veux assurer, je veux être les pères. Elle dit, non, j'ai déjà trop cru en toi, tu m'as déjà blessé, je ne veux pas retomber dans les trucs deux fois. Lui, dit, ok, d'accord. Il y a les pères... un moment, je crois qu'il va quand même aller chez elle. Oui, il tombe sur son père. Il tombe sur son père, il se rend compte qu'en fait, elle est méga riche. Ouais, c'est la fille d'une millionnaire des ouf malades. Il dit à son père, non, mais moi, je t'aime, Jordan, je veux être avec toi, machin truc. Là, on se demande si c'est pas pour l'argent quand même, parce qu'il vient de découvrir qu'elle est millionnaire, pas trop. Mais non, parce que les pères, le papa direct, pour régler le truc, il fait un chèque. Il fait un chèque de plein d'argent et lui dit, si tu te casses, je te donne cette thune. Et lui, il déchire le chèque. Il dit, non, mais je ne suis pas là pour parce ça. Que ça y est, alors qu'il a été refusé par Jordan. Donc, ouais. Il pourrait dire, bah, voilà, je me casse. Tant qu'à faire, tu prends la thune. Et en fait, non. Il intègre ce mec. Tu vois, jusqu'au bout. Ok, on en reparle. Il revoit Dag, je ne sais pas, dans une soirée. Il retrouve Dag avec Kerry. Donc, Dag est méga bourré. Il dit, ah, Brian, je suis tellement content de te voir. Tu m'as trop manqué. Il lui raconte plein de trucs. Ils vont boire un drink sur le bateau de Dag, qui est hyper riche, ouais. Qui lui confesse enfin que, en fait, ça se passe pas si bien que ça. Toute la thune qu'il a eue par sa meuf, il l'a délapidée. Il l'a mal placée. Il a joué en bourse, ça n'a pas marché. Enfin, il est quasiment ruiné, quoi. Et Kerry s'en fout de lui parce qu'elle a bien compris que c'était un alcoolo et qu'elle n'aurait plus rien à foutre de lui. Donc, Tom Cruise passe un peu de temps avec lui. Il le couche dans les bateaux, machin de truc. Bon, ça va. Il accompagne Kerry à la maison. Kerry, elle le drague. Oui, il dit non, moi je ne fais pas ça. Dag, c'est mon ami. Je ne fais plus ça. C'est vrai. Je ne fais plus ça. Dag, c'est mon ami et tout. Il rentre chez lui et en fait, Dag, il se suicide. Doug s'est suicidé dans le bateau. Dans cette nuit. En écrivant une lettre pour Brian, qui est juste horrible. C'est les poèmes tout claqués avec toutes ces analogies avec la picole, etc. C'est horrible, en fait. Le mec, jusqu'au bout, il a fait des poèmes tout pourris. C'est horrible. Bah, il lui dit, en gros, mais par contre, il lui dit ne m'écoute pas, j'ai dit que de la merde toute ma vie, tous ces gens compris à la vie. Je suis un gros con, je me. Bah, ciao. C'est la pirouette pour excuser toutes les merdes qu'ils ont fait depuis le début. Mais... Donc, il est choqué par ça parce que c'était quand même sa figure paternelle. Parce qu'encore une fois, son père, on n'a pas bien compris, mais bon, oui. Il n'a pas trop de figure paternelle à part son oncle. L'oncle Pat, qui quand même. Ouais, mais bon, qui lui offre... est moins toxique que Doc. Oui, quand même, il n'est pas toxique. Il est obsédé par l'argent, mais il n'est pas toxique. Voilà. Et donc, il va revoir Jordan et il va lui dire, en fait, voilà, moi, je veux pas passer à côté de ma vie comme Dag, je t'aime, je veux m'occuper de cet enfant et tout, vas-y. Donc, elle décide de le suivre. Avec bagarre avec le majordome. Putain, c'est vrai. Dans la super baraque des méga bourgeois. Bon, bref. Et les pères qui disent, bon, de toute façon, vous n'aurez pas un centime de chez moi, donc si tu pars avec lui... Tu as ruiné ma fille. Elle dit, j'en ai rien à foutre. Et elle se casse. Tata, on n'a pas besoin de ta thune, père. Bon, peut-être qu'ils avaient un peu besoin. Et on voit qu'ils sont mariés. Donc, on se retrouve à la fête de la fin du mariage. Ouais. Tu vois, la réception après post-mariage. Elle a une robe de mariée. Elle a un gros bide parce qu'elle est quand même enceinte. Tom Cruise, il monte sur les bars pour faire un dernier poème. Il a repris le bar de Oncle Pat. Oui, ils sont... Il a mis des néons derrière. Il a mis des néons et en fait, il s'est rapproché de sa famille. Il veut faire de la thune avec Oncle Pat, j'imagine. Oui. Ça s'appelle Cocktails and Dreams. Tout à fait. En mémoire de ce mec horrible. C'est ça. Bon, bref. Et il dit tu me surprendras toujours. Il lui dit un truc genre c'est bon, tu m'as tellement tout fait que tu pourras plus me surprendre. Ah, voilà. Et elle lui glisse alors, elle lui dit si je peux encore. Elle lui glisse un truc à l'oreille. Et là, donc Tom Cruise, Brian, tous les yeux grands ouverts, qui dit des jumeaux. Fin du film. Ça, il avait fait un poème. Parce que ce mec oui, il a fait un poèmes, poème, mais je ne sais plus. En disant si mon enfant, si c'est une fille, si c'est un mec, je te lèguerai le bar, tu vas voir, c'est cool, tu seras barman comme papa. Et si c'est une fille, je t'apprendrai surtout pas à fréquenter des mecs comme moi. Oh my. Tu te dis, bon, ok. Voilà. Voilà. Fin du film. Voilà, donc c'est un scénario quand même bien. Écrit, on ne sait pas comment, parce que c'est ouais, un peu le bordel. C'est un peu, ouais. Alors, y a plein de choses à dire, je pense. Ah ouais. Tu penses ? Tu penses pas ? Si, y a plein de choses à dire. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ? Ben ouais, justement, pas grand-chose. déjà, moi, j'ai travaillé comme serveuse, alors j'ai envie de dire, ça ressemblait pas du tout à ça. C'est pas ça, la vie. C'était pas trop comme ça, à part la transpi, parce qu'il faut dire qu'encore ici, encore aujourd'hui, Tom Cruise il transpire beaucoup, mais c'était pas beaucoup de pirouettes, des machins, mais peut-être il y a sûrement des bars qui, après ces films-là, ils ont fait ça. Je sais pas comment il y aura. Je pense que ça, pour une génération de barman, ça a dû être ça, quoi. Non, ça mais être le truc où tu te dis, mais en fait, faut faire des pirouettes, faut faire que des sourires, faut parler qu'aux meufs, parce qu'en fait, après, t'as plein de bars où les barman, ils font que ça, ils parlent qu'aux meufs. C'est trop drôle. Moi, c'était plus Uncle Pat style, tu vois. J'étais plus au PMU. Au PMU, de la ville. La bière, elle vaut 1€, tu payes ta bière. Tu payes ta bière. Et en plus, t'as toujours le bourré à 9h du matin qui est là, que ton fidélissime. Et voilà. Qui bougera jamais. Bon, donc, je connais pas trop ce monde. Après, Tom Cruise, il est à fond, quoi. Je l'aime beaucoup, moi, dans ses rôles. Je sais pas, je le trouve super. Mais bon, on parle pas de ça, on parle du film. Dag. Je l'aime pas, Dag, par contre. Je sais pas, Dag. En même temps, il est horrible, mais il est pas glorifié dans cette chose horrible, parce qu'on le voit, dégueu quand même à peu près tout le long. Et après, il se suicide. Tu vois, il y a une espèce de descente aux enfers. C'est un peu expédié. C'est très bizarre, moi, je trouve, parce qu'il est vraiment omniprésent. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il est très toxique pour Tom Cruise, qui s'en rend compte au bout d'un moment quand même, puisqu'il se barre. Ouais. Et quand il revient là jamais, qu'il redevienne copain, etc., alors que le mec il est toujours aussi toxique. En fait, il n'a pas bougé. Ouais, c'est vraiment qu'une fois qu'il est mort, qu'il écrit sa lettre. Enfin, avant de mourir, parce que tu ne peux pas écrire une lettre après être mort. Ouais. Mais c'est que dans sa lettre qu'il, en gros, s'excuse de son comportement, alors que c'est pas la fête non plus. Oui, mais pas... Oui, ouais. Mais après, oui, tu vois qu'ils ont voulu écrire un arc de rédemption à ce mec, alors qu'en fait, c'est Puis c'est expédié parce que vraiment, tu as le suicide de Dog et de suite après, on bascule sur l'intrigue de le mariage, enfin le fait qu'il va récupérer Jordan et tout ça. Donc c'est un peu sa rédemption, elle est vite expédiée. Il y a un gros. Enfin, tout un tas de trucs de toute façon qui sont entremêlés. Qu'il y a plein ils essayent d'avoir plein d'histoires en même temps, mais il n'y a aucune qui va au bout. Ça va. Globalement, moi, je trouve que le film, il est vraiment construit bizarrement. Tu te dis, ils ont voulu essayer de faire plein de choses, mais ils n'arrivent à rien. Oui, oui. C'est méchant, mais c'est un peu non, ça. Ouais, hein? Je sais pas. C'est pas trop. C'est vrai. Mais Dag, par exemple, moi, je ne m'attendais pas qu'il mourait. Je ne m'attendais pas au suicide, tu vois. Oui. Je me suis dit, ah voilà, c'est les films où voilà, le mec, bon, il va être ruiné. Au bout d'un moment, Kerry sera à nouveau amoureux de lui et ça va bien se passer pour sa vie. Ça aurait pu. Oui, dans oui. plein de films des années 80, c'est absolument ça. Il l'assume complètement et c'est bon, tu vois. Là, il fait quand même une descente aux enfers. De même, tu veux la thune. En fait, une fois que tu l'as, c'est pas le bonheur absolu. Bon, ouais. C'est la morale à deux balles des années 80, mais c'est déjà une petite morale. Ouais, mais tu vois, ça fait un peu pareil. C'est genre, le suicide, c'est un peu le truc scénaristiquement où tu te dis, bon, bah, là, le mec, on l'a fait amener super loin. Il faut qu'on arrive à boucler le film. Il faut qu'il s'excuse. Bon, allez, il fait une lettre de suicide et puis c'est bon, c'est fait. Et c'est vraiment torché, quoi, parce que dans le montage, c'est pareil, ça prend deux secondes et merci, on passe à autre chose. Et en fait, je me disais, c'est vraiment dans les films de Tom Cruise, quand il fait les gros connards au début, il doit y avoir quelqu'un qui meurt à côté de lui pour qu'il se réveille. Il ne peut pas juste réfléchir deux minutes sur sa vie, ces mecs. Alors que nous, dès les premières scènes, on a compris qu'il ne fallait pas parler avec Dog. C'était voilà. Pas bien. Non, mais c'est clair. Franchement, il serait resté avec Oncle Pat, il aurait fait petit à petit le business. Bon, il aurait peut-être pas fait de la jonglerie des avec. Des pirouettes. Mais bon. Et pas des poèmes non plus, Oncle Pat. Oh, les poèmes, non, mais ça, les poèmes, on en parle ou pas? C'est la oui, cata. Oui, on en parle. Voilà. Est-ce que c'est marrant comment. Comment la représentation de la poésie. Non, mais c'est ça. Ce monde-là, c'est juste des rimes. C'est des rimes pas ouf. Pas ouf. Tu parles de picole, c'est naze. C'est trop naze. Moi, ça m'a fait penser quand dans Top Chef, je ne sais pas si tu as déjà regardé Top Chef, c'est une émission culinaire de compète de cuisine. Ah oui, je vois. Voilà, où les mecs, en fait, quand ils ne savent plus trop quoi faire, ils se disent « Ah, je vais faire de l'art. » Donc, ça sent mauvais. Parce que ce qu'ils font, à chaque fois qu'ils disent « je fais de l'art », ils jettent un truc dans l'assiette en mode Jackson Pollock et ils disent « c'est bon, j'ai fait de l'art ». Quoi. Et tu fais, non, en fait, ça ne va pas être possible, monsieur. Et là, ça fait un peu pareil, c'est « ouais, je fais des poèmes ». Non, tu as juste fait trois rimes, ouais, ça ne va pas le faire, en fait. Et c'est une cata. Et ils parlent, en plus, même dans leur vie de tous les jours, Doug et Brian, ils ne se parlent qu'en rimes et tout, c'est fatigant. C'est horrible, c'est horrible. Après, ça ne donne pas trop envie de boire, tu vois. Ah non. Non, bah, mais d'autres qui se tapent un espèce de cocktail dégueulasse à 10h du mat. C'est... Ça donne pas trop envie. Pour info, nous, on était à l'enregistrement, du coup, il est 10h du mat, et on hésitait à se faire des cocktails pour l'enregistrement. On a un petit peu abandonné l'idée parce que c'est quand même ouais. chaud. Et après, l'autre truc que je me suis dit, ça, les sets, ça devait être méga collant. Ah, mais quand il sort ses chaussettes, dégueu. Après avoir fait le bar, il sort ses chaussettes, tu te dis ça va être la transpi, la bière, le truc, c'est dégueulasse. Dégueu, ça donne pas trop envie. Non. Après, sur les personnages féminins, je sais pas trop quoi penser. Elles auraient dû toutes partir très très vite, en fait. C'est ça qui est ouf, quoi. Ouais. Parce que Jordan reste pas, quoi. En fait, je pense que le personnage que je préfère, c'est Carol. C'est la photographe du début, même ouais. si elle embrasse ouais. l'autre mec, elle comprend pas grand chose. Bon, mais quelque part, elle a une relation un peu plus. Oui, elle voit direct que c'est un tocard. Assumée de ce truc-là, elle dit bah, t'es un tocard, ciao, quoi. Et elle a un truc et elle a un travail et elle se démerde dans sa vie. Tu vois. Jordan, elle est vraiment peinte comme la nana sympa, gentille, ouais, elle a pas la bonne mère ouf, des hein. familles. Et puis c'est ah ok, à un moment je vois que c'est un connard, je me barre. Et puis alors qu'elle l'a vu deux semaines, c'est donc vrai. C'est vrai, ça peut passer à autre chose. Et puis je sais pas combien de temps après, elle le retrouve, elle retombe amoureuse alors que c'est toujours un tocard. Tu fais bon, bah. Il a changé pour ah, okay. la. Ok, ouais, non, mais c'est... après c'est... on est au top de la sexitude de Tom Cruise. Donc et tout ce film joue un peu sur ça quand même. Oui, sur sa capacité à flirter. Ouais, voilà, et ouf, puis bah, c'est les années où Tom Cruise ça devient sex symbole, quoi. Donc forcément, ça. Ouais, ça aide. Oui. Oui, c'est vrai. Et l'autre chose, c'est que par rapport à la petite parenthèse jamaïcaine, c'est quand même bien raciste. Oh tiens, ça va. Moyennement vraiment... raciste. On avait un bingo, alors c'est sexiste, mais ah, c'est raciste c'est aussi. Raciste aussi. Bah, souvent dans les films de Tom Cruise, pour l'instant. Les années 80, ouais. Donc voilà, ça ne laisse pas de bons souvenirs non plus. Trop, quoi. Et après, je voulais dire un autre truc par rapport à elle. Ah non, et Bonnie, du coup, la troisième... Ah, il y a Bonnie et Carrie qui sont un peu dans le même état d'esprit. C'est les riches, très, très belles femmes qui sont avec ces mecs. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Alors, Carrie, on dit parce qu'elle veut embêter ses parents, mais c'est, tu vois, elle, elle veut faire sa vie, elle s'en fout, quoi. C'est un truc de représentation, en fait. C'est bien d'avoir un mec comme ça... Mais c'est des codes virilistes aussi, en fait. C'est des codes masculins, donc c'est assez bizarre. Mais ça, disons que ça ne cautionne pas grand-chose. Plus Bonnie qui s'en fout. Elle est un peu mieux. Elle dit, bon, je nique avec toi. Oui, je, et puis, il fait une connerie, elle le tège. Mais c'est pareil, ce n'est pas des super moche. Valeurs. On n'approuve pas trop ces valeurs. Bon, bref, voilà. Et voilà. Je sais pas, t'as d'autres choses à rajouter? Moi, j'avais, en regardant un petit peu, me renseignant, j'avais le mec qui a écrit le scénario, il avait écrit le bouquin dont c'est adapté. Et le bouquin, il a écrit sur son expérience de barman quand il essayait de devenir écrivain en parallèle. Waouh! Bon, ça n'a pas l'air super intéressant dit comme ça. J'ai pas non, lu non, le bouquin. Si. Non, mais je pense que c'est une expérience des barman. Vraiment, ça résonne tellement pas avec la mienne. Après, c'est ça, tu te dis, mais t'es barman comme ça. A priori, wow. Et du coup, après, il a fait 40 versions du scénario parce que ça allait jamais. Wow. Ils l'ont changé des tonnes et des tonnes de fois. Et donc, effectivement, tu le vois dans le film qu'il y a plein d'idées, mais il n'y en a aucune qui va au bout. Enfin, il n'y a rien qui fonctionne vraiment. Et, et en plus, au final, donc, l'auteur du livre qui a écrit le scénario, il n'était pas content du tout du résultat, quoi. Ah, parce qu'au montage, ils ont changé... Bah non, mais parce qu'après, en même temps, il a dû tout faire en speed, réécrit 40 fois le scénario, c'est qu'à un moment, il y a d'autres problèmes, il n'y a rien qui marche, quoi. Donc, Mais c'est aussi les producteurs qui ont dit, elle est un peu glauque, ton histoire, on ne peut pas mettre des scènes. Non, doit y avoir un truc comme ça, parce que... Ils ont dû se dire, il faudrait qu'il la Jamaïque, comme ça, on peut faire un peu en un peu du rêve. Mais c'est Tom Cruise, quand même, il faut qu'il fasse beaucoup de sexitude, enfin, c'est assez compliqué, ce film. C'est un film de producteur, hein, parce que le réalisateur, hein, Roger Donaldson, il n'a rien fait. C'est vraiment un film de producteur pour surfer sur la sexiness de Tom Cruise. Il n'y a pas, trop à chercher. Hein. Là, c'est assez clair. Hein, toute la communication, tout est fait pour ça. Hein, c'est pas... Ouais, voilà. Et même Brian Brown, qui joue Doc Coughlin, il y avait plusieurs autres potentiels acteurs. Ça aurait pu être intéressant, mais bon, le personnage, c'est pareil. Il est écrit, il n'a pas trop de nuances. Donc c'est... Et encore, je trouve que l'acteur, il se démerde pas mal avec ses persos. Il s'en sort bien avec ce qu'il a à faire, mais... C'est comme ça, c'est la vie. La vie. Alors après, si, quand même. Attends. Oui. Un point Oscar. Non. Alors, moi, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché. J'ai fait tout le monde. Je n'ai rien trouvé. Mais, point Razzie Awards, du coup. The Awards, c'est les pires films les de pires l'année. Films de l'année. Et du coup, Tom Cruise et le réalisateur ont été nommés, mais n'ont pas gagné le Razzie Awards. Il n'a même pas gagné le Razzie. Par contre, le scénario et le film ont gagné ils ont obtenu le Razzie Award du pire film et du pire scénario. Waouh. Mais Tom Cruise a été nommé quand même au Razzie. Voilà. Ah ouais, je pensais pas qu'il pouvait. Je pensais que c'était un grand succès, moi. Ah, mais après, par contre, c'est un gros succès. Ah, ok. Si tu veux les chiffres, il a coûté 20 millions. Pas trop. Ce qui à l'époque c'est correct. C'est un petit peu plus cher que Top Gun, mais c'est pas tant. Et il en a rapporté 171 millions. Donc ça va. Ah ouais. On va pas putain, se plaindre. Non mais c'est ce ouf. Hein. C'est tu vois, mais non mais. Mais qu'est-ce qui nous passait par la tête dans les années 80? Mais c'est ouf! Après, c'est hyper. En fait, tu vois, c'est hyper représentatif des années 80, mais du coup, t'as pas envie de revivre les années 80. C'est la cata. Et après, on est dans la foulée de tous les trucs, de tous les rôles d'avant, de Tom Cruise, quoi. Mais bon, on va en parler après. On va se faire un petit extrait. Oui! Alors, hop. Petit extrait, du coup, c'est le moment où. Ils viennent d'avoir leur idée d'aller en Jamaïque pour faire de la thune, hein, Brian et Doug. Oui. Et ils vont se faire une petite danse sympathique. Au bar. Non, ils vont travailler au bar ils le soir même. Mais du coup, ils vont faire la... Mais dans les bars de Doug dès le début, tu vois, les premiers bars. Et là, c'est leur chorégraphie où ils se font repérer. C'est un peu la chorégraphie de la Wynn. Allez, c'est parti, allez, on est devant le bar. Tout le monde dit, allez, allez, faites-le, faites-le. Ils sont, il y a un paquet de monde devant les bars. Allez, c'est parti. C'est parti. Ils sont à deux, ils font les mêmes choses. Hop là, on prend le verre. Il a failli le faire tomber. Glace. On prend le shaker. On fait pour être derrière les deux avec un méga bouteille. On derrière, pirouette devant, on remplit le shaker. Hop. Yeah. Repirouette devant, repirouette sur le côté, on remplit par derrière. Classe. Allez hop, et on en fait avec deux bouteilles. Deux bouteilles dans les shakers. Ils sont en mode. Voilà. Après, on met un peu de bière. Du sel. Hop, c'est rempli. Ping. Ça, c'est les shakers qui tombent au même temps. On échange, jonque de folie. Hop, c'est fini. Et la petite paille rouge. Allô. Et Rincon, c'est pour eux, c'est pour personne. Et ça y est, ils sont repérés. Les mecs sont pourris devant les bars. Mais qu'est-ce que vous faites là avec votre talent, les gars? Ils se font embaucher. Donc, en 15 jours, vous serez célèbres. Et c'est parti! Wouh! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est la cata, c'est la cata. Et c'est là qu'ils arrivent du coup au side block, la super. Les chorégraphies, elles sont rigolotes. J'avoue que je peux te dire, je vais essayer quand même. Mais ils ont pris des cours avec des barman jongleurs. Il y a un nom, c'est une école de jonglage, de barman jonglage, c'est le bar landing, je sais pas quoi. Ils ont vraiment appris ça et du coup après ça a été explosion. Tous les barman à New York voulaient faire ça. Mais c'est ça parce que en fait moi je me dis, tu dis barman jongleur, franchement ça fait pas très sexy quoi. Après t'as Tom Cruise qui fait ça et il te sauve une université et toute une culture. C'est quand même une putain de star, quoi. Et ouais, après, tout le monde va faire ça. Bon, après, t'es deg quand t'es au bar. Encore une entreprise que Tom Cruise a sauvée. Mais tout à fait. Mais dis donc, mais il est trop fort, ces gars. Il filme une entreprise. Je pense même les livres qu'il lisait, je me demande s'ils n'ont pas été revendus, tu vois. Et combien de cocktails and dreams ont été ouverts. Sûr. Les trucs avec les néons roses et tout, c'est... Oh là là, quel cata, mon Dieu. Je ne suis pas contre les néons. Oui, non, c'est mignon, c'est rigolo. C'est chou. Sinon, si ça s'arrête là, ça va, quoi. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé de notre ami Tom? Moi, je dois dire qu'il a du charisme, déjà. Ah, mais les top sexitude. Au-delà de la sexitude, tu vois, il est, quand il fait ces trucs-là, tu peux être vraiment con, quoi. Et le fait, quand même, il est hyper fort, mais il a bloc, quoi. C'est encore un Tom Cruise qui a bloc, il danse, tu vois que... Ouais, il a un truc, quoi. Ce gars, il a un truc, il est fort. Et pour faire le méga orgueilleux, il est hyper fort. Je sais pas. Alors, moi, j'ai cru à ces personnages tout le long. J'ai jamais dit, ah ouais, là, c'est un peu le mec. Après, il en fait des caisses. Hein. Il joue les potards. Tu sens qu'il n'est pas dirigé vraiment, quoi. Il mise tout sur. Là, si on aime les regards Tom Cruise, il y en a une. Le sourire et tout, ça arrête pas. Après, ils sont tous en roue libre. Hein. Ça colle, on va dire, ensemble. Ouais. Oui, mais dans le bus au début, quand il y a les bébés, ah oui, il fait trop les yeux choupis. Oui, il lui apprend, il prend le gamin de sa voisine sur les genoux et lui dit, tu vois, cette vie, elle sera à nous bientôt. On va monter un business, gamin. Il est trop choupi, par contre. Là, tu retrouves les yeux vraiment bichons. Ouais, mais c'est tout, c'est fini. C'est tout. Après, et après, c'est fini. Ça devient un loup. Ah ouais, c'est mais c'est beaucoup. Après, c'est vraiment, ça joue que sur ça, sur sa sexitude. Après, tu as vraiment la fin où il essaie de te rendre ça un peu dramatique. Mais après, c'est comme c'est écrit aussi, c'est bizarre. Ils essaient de te faire une fin dramatique où il va récupérer Jordan et s'embrouiller avec le père. Et ça doit, il y a des cris, ça se tape, etc. Mais sauf que c'est raté parce que tu as tout avant qui est tellement ridicule et tellement trop que ça passe pas du tout, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est pas peut-être son meilleur. Après, c'est pas tant sa faute parce qu'il peut pas faire grand chose. C'est ça le problème, c'est que ce film, ils veulent absolument qu'il y ait plein de trucs dedans, qu'il y ait de la comédie, qu'il y ait du drame, qu'il y ait de la passion. Ouais. Et ça marche plus, en fait. Tu vois, vraiment, la scène de fin, tu te dis, ils essayent de faire une scène comme dans Le Lauréat à la fin. Sauf que ça marche pas, Quoi, parce que là, tu sens que c'est un peu cette idée-là de faire un truc vraiment dramatique. Sauf qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour, quoi. Il y a pas assez réalisé avec les pieds, enfin, ça peut pas. Donc Tom Cruise, là-dedans, il fait un peu ce qu'il peut, mais... Il sauve quand même à peu près tout. Ah bah après, il tient tout le film, ouais, ça c'est clair. Il n'y a pas photo, hein. Ah bah oui, quand même. Il est fort. Il est fort. Ah, okay. Tu vas me faire changer ma note. Bah, je le trouve vraiment... tu vois, parce qu'il doit jouer ce gars complètement allumé, complètement ouf, qui se la pète trop, qui est derrière les barres. Je veux dire, à un moment, tu veux faire un film sur un serveur, il a intérêt à avoir du charme, à être un peu pété, oui, sinon c'est... Mais c'est là où on bascule, on a moins qu'avant le côté fou, tu sais, qu'on avait dans La Couleur de l'argent, tout ça, où il est fou parce qu'il est complètement dingo, quoi. Là, ça passe plus sur le truc, il est prétentieux. Oui, il est méga prétentieux. On revient un peu plus sur ce truc-là, dans l'évolution de ces films, il y a un truc qu'on perd, et là, on est vraiment sur le full charme. Oui, c'est vrai. Ça, c'est plus vague Top Gun que La Couleur de l'argent, c'est grave. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon... Bah, je peux pas lui en vouloir, je sais pas pourquoi. Je peux pas lui en vouloir. Je peux pas, je trouve. J'ai passé un moment. Je me suis pas endormie devant. Je sais pas, il y avait un truc qui m'a. Oh là là. Et aussi, peut-être, même que je me dis, il y a un truc aussi un peu pervers de dire, oh putain, c'est nul là, c'est point. Vas-y, ça peut être encore pire. Et c'est encore pire. Tu vois, il y a ce truc que je regarde des télé-réalités comme ça, je peux les critiquer. Ah, il y a un peu des trucs comme ça aussi. Mais qui tient. Ouais, après, c'est pas. Moi, je trouve que ça fait même pas kitsch. Il y a même pas de charme kitsch dans le film, quand même. Tu vois, il y a un truc où c'est vraiment pas. Je sais pas, j'ai pas trouvé charmant. Ah, tu l'as pas trouvé charmant? Tu pourrais te dire, si, Tom Cruise, si, mais pareil, il en fait tellement que tu n'arrives pas à l'apprécier. Tu vois à l'époque comment ça peut marcher. Oui. Mais maintenant, tu vois, tu as plein de films comme ça, quand ils vieillissent, tu leur trouves un petit charme, un petit truc un peu kitsch, un peu dépassé. Là, même pas, en fait, ça fait pas envie. Moi, je trouve qu'ils donnent pas envie des années 80. Ah non, pas du tout. Mais... Alors qu'il y en a d'autres qui pourraient, parce que. Parce que peut-être ils sont pas autant à fond les valeurs. Parce que là, vraiment, on commence à avoir une filmo Tom Cruise où c'est le capitalisme plus, quoi. Ça n'arrête pas. Ouais. Et je pense qu'il y a moyen, un jour, on pourrait essayer de faire quel film et la suite de quel film, tu vois. En démarrant avec le petit Wendell dans Losing It, qui ensuite devient dans Risky Business, un étudiant qui arrive à faire de la thune. Risky Business. Après, il part à la guerre, il revient dans Cocktail, il essaie de monter une boîte. Comment est-ce qu'on et il part à la guerre avec Top Gun, il revient, il monte une boîte. Je pense que c'est à peu près les mêmes personnages qui sont un peu à droite à gauche, mais ouais, c'est intéressant. Mais bon, on commence déjà à débriefer les années 80 alors qu'on n'a pas fini. Hein. Il nous reste quelques films. Bientôt fini. Mais on commence à avoir une image de qui est Tom Cruise dans les années 80. Oui, quoi. Ah bah ouais, complètement. Non, c'est mais assez flagrant. Et qu'est-ce qu'il représente aussi, c'est parce que peut-être bah après lui sûrement qui partageait ces valeurs là, j'en sais rien, mais. Mais qu'est-ce qu'il représente pour les États-Unis? C'est pour ça aussi il incarne absolument complètement tous les États-Unis de ce moment-là qui le regardent comme la vision d'eux-mêmes. Quoi. Je sais pas, il y a un truc. Il incarne l'archétype. Il incarne le truc de Ronald Reagan. Enfin, il incarne vraiment ça, la réussite, le self-made man, charmeur. C'est impressionnant. Mais là, il réussit moyennement, tu vois. Moi, j'ai apprécié qu'à la fin, ils décident, parce qu'ils auraient aussi pu dire, ah ben, elle est super riche, machin, je suis amoureux, ben voilà, c'est réglé pour moi et tout, alors qu'ils refusent l'argent et se retrouvent dans un bar justement, son bar, tu vois qu'il s'est étoffé, il monte son business quand même. Oui, malgré tous les échecs, il a réussi à rebondir et à monter son business, parce que c'est quand même le plus important de monter son business. Bon, il a une femme et des jumeaux, mais... Ouais, mais c'est ça, il dit, bon, j'ai intérêt à vendre des cocktails si j'ai deux jumeaux. Mais je pense, après, on ne sait pas, tu vois, mais je ne pense pas qu'il ait abandonné ses rêves de grandeur. Ce n'est pas complètement le choix, soit à la femme et les enfants, parce qu'il y a eu ça, on lui a dit vachement. C'est son oncle Pat, je crois, qui lui dit, si tu as une femme, t'arrêtes les conneries et tu t'occupes de ta femme, machin, nanana. Et lui, c'est, non, mais moi, mon but, c'est de faire de la thune, donc je m'en fous, machin. Non, mais et Doug, son truc, c'est ça, hein, c'est de dire, non, mais les meufs, c'est si elles te rapportent de la thune, sinon, c'est pas, tu t'en fous. C'est pas intéressant, c'est horrible en fait. Ah bah oui. Ah, putain, même Uncle Pat en fait, il y a vraiment. Bah, Uncle Pat, c'est le bon sens américain de l'époque. Hein. Ouais, c'est ça. Il est moins tordu que Doug. Doug, il est vraiment pervers quoi. Oui. Il est très très nocif. Pat, c'est juste le patron. Pat. C'est pas de Pat quoi. Voilà. Bah voilà. Ouais, dis donc. Bah, si vous avez encore envie de le voir, je sais pas. Franchement, on vous le conseille même pas de le regarder quoi. Non. Enfin, moi, je conseille. Peut-être juste sur YouTube, la petite scène où ils font la chorégraphie, c'est rigolo. Ah ouais. Ça, oui, les chorégraphies et la musique, de quand même. Ouais, grave. Ok. Alors, du coup, est-ce que ce serait pas un petit peu l'heure de se faire un cruisomètre? Je retrouve le bouton du cruisomètre, mais c'est l'heure du cruisomètre. C'est l'heure du cruisomètre. Le cruisomètre, cette échelle de 0 à 100 qui fait qu'on arrive à donner à peu près notre avis, pas tant sur le film, mais plus sur Tom Cruise à la sortie de ce film. Et là, attention, c'est le moment du cruisomètre. Serena, quel est ton cruisomètre ? Je sais pas. J'ai envie de donner plus des Lusinites, mais je sais pas combien je vais donner à Lusinites. Ah, je regarde. Je dans les archives. Lusinites, t'avais donné 8%. Voilà. Ce qui est peu. Je veux donner 11%. Ah, 11, c'est pas mal. C'est sympa. C'est sympa. Est-ce que t'avais pas déjà donné 11, je me demande. Non, je crois pas. Hein. T'avais donné 20 Risky Business. Oui. Mais bon, c'est... Non, je pense pas. Non, t'avais pas donné. Non, t'es plutôt généreuse, en fait, je me rends compte. Bah oui, je suis plutôt un homme gentil, moi. Je suis pas comme toi. Moi, je suis très gentil, j'ai juste une fois un peu dérapé. Non, mais tu donnes beaucoup, toujours moins que moi. Non, c'est pas vrai. Ah non, Top c'est Gun, pas vrai, t'as raison. T'as donné plus. C'est vrai. Non. Moi, j'ai hésité longuement. Je me suis dit, je vais mettre 1,5 pour que ce soit pire que Legend, parce que j'ai vraiment souffert presque plus que Legend. Ah bah j'espère bien, oui. Ça n'a pas du tout la même... Mais je ne peux pas mettre moins, parce que c'est trop... c'est iconique. Alors que Legend, ce n'est pas iconique grand-chose. Enfin, tu vas donner plus que Legend ? Ah bah sinon, je donne 1,5. C'est ridicule, 1,5 pour Cocktail. C'est hyper emmerdant, parce que c'est culte. Voilà. Mais pas pour les bonnes raisons. Et puis en plus, ça va lancer le côté sex symbol de Tom Cruise, qui est pas nous ce qu'on aime bien. Tu vois, nous non. On aime bien quand il joue non. un truc un peu borderline. Après, on va voir par la suite que ce côté sex symbol, il va essayer dans les années 90 de s'en débarrasser un peu et de diversifier ses rôles. Mais c'est vrai que donc. Si je mets 1, parce qu'après si je mets 1,5, il me reste plus beaucoup de marge s'il y a des films pires. Hein. Ouais, je sais bien. Mais t'étais trop dur avec Legend. Je suis pas sûr. J'ai vraiment souffert, hein, Legend. Vas-y, donne ta note alors, c'est quoi ? Ah, ben, je vais mettre 2. Ah ! Je mets 2% parce que c'est vraiment de la merde. Ne le regardez pas. Et puis après, on verra. De toute façon, un jour, on harmonisera un petit peu ces notes de cruisomètre, parce qu'avec le temps, on se rend compte qu'on a peut-être été dur sur certains points, ouais. Pas assez dur sur d'autres. Enfin, voilà. Je ne désespère pas qu'un jour on fasse ça. Ouais. Est-ce que tu as des recommandations ? Attends, Rotten Tomatoes. Ah oui, je t'ai pas donné Rotten Tomatoes. Oh, bah Rotten Tomatoes. Alors attention, Rotten Tomatoes, là, on est sur, pour l'instant, ça doit être notre record. On est à 7%. Ah ouais. Et Rotten Tomatoes, donc, c'est les critiques. C'est les notes agrégées de toutes les critiques. Même Lusinite avait 28%, t'imagines ? Non, mais c'est un truc de dingue. 7%. Mais ça a fait mais un carton. C'est pire que Lusinite. C'est mieux que Lusinite quand même. Lusinite était vachement pire. C'est juste que là, ils s'attendent qu'elle tombe plus facile. Pour moi, c'est pareil. Hein. Lusinite, c'est les mêmes valeurs qui sont dedans. Sauf que Lusinite, il y a des personnages marrants. Là, il n'y en a même pas de marrants. Ouais, c'est vrai. Et puis, Lusinite, c'est un peu passé inaperçu, donc c'est moins nocif. Oui, c'est plus ça. Ils s'attendaient après Top Gun qu'il fasse un putain de truc de ouf malade, après Scorsese et tout. Et ça a été catastrophique parce que du coup, 7%, c'est vraiment faible. Mais ça a été un carton total. Mais c'est ça. En fait, maintenant, on commence à voir la différence entre la critique qui déteste et les publics qui aiment à fond Tom Cruise. Et ça va être ça à peine longtemps en plus. Ouais, et puis là, je pense que tu as des gens qui ont été le voir. Il y en a plein qui ont adoré juste parce que c'est Tom Cruise qui est charmant, quoi. Ah ouais. Et c'est clairement un film qui vieillit pas bien, parce que maintenant tu le revois, tu vois clairement que c'est pas possible. En fait. Non, ça vieillit pas très bien. Et après, Allociné, les gens, ils ont mis 2,9 sur 5. Voilà. Tu es très français dans ça, tu vois. T'es pas loin. Mais non, mais 2,9 sur 5, ça fait pas 2%. Ah non hein. Ah ouais, 2,9 sur 5. Français, c'était quoi cette réflexion gratuite ? Non, mais Allociné, on s'est dit, c'est beaucoup la représentativité des Français, quoi. Ouais, mais en fait, c'est pas terrible comme note, parce que c'est sur 5, ça fait toujours un truc un petit peu moyen. Qu'on transforme en pourcentage. Peut-être qu'on arrête avec Allociné. On va arrêter avec Allociné. Ça nous arrange en plus. Parce qu'on n'aime pas trop ces notes d'Allociné. Non. Ok. Ok, du coup, maintenant, donc, recommandation. Oui. Allez. Est-ce que tu as des recommandations, toi ? Moi, j'en ai une. Ok. Qui est un peu tirée par les cheveux. En fait, alors, c'est une dose de vodka, 6 doses de jus de tomate, de la bière pour remplir le verre et un œuf au fond. Et ça, c'est le cocktail, le Red Eye. C'est ce que boit Dog à 10h du mat. Et je pense que c'est aussi dégueulasse que ce film. Donc, voilà. Ça, ta recommandation. Ma recommandation, je suis désolé. On est mal barré parce qu'à la mienne, je pense à un grand pire. Hey, yes. Moi, c'est par Elizabeth Shue, donc la comédienne qui joue Jordan. Quand j'ai vu, je l'ai tout de suite reconnue parce qu'elle a fait partie de de ma filmographie, comment dire, de ma jeunesse. J'avais une cassette où j'avais enregistré Nuit des Folies en français, en italien Tutto quella notte et en anglais Adventure in Babysitting, où en fait elle joue une babysitter qui se retrouve avec trois gamins et il y a la petite gamine qui est habillée en tort. J'adorais quand j'étais petite. Tu vois, je sais pas, il y avait un truc. Et en fait, ils font plein d'aventures. Ça doit être la nuit hyper tranquille où elle s'occupe des gamins. Mais en fait, elle se retrouve et elle fait un blues, machin. Je crois qu'il est méga raciste et peut-être un peu sexiste. Mais voilà, ça fait partie de ma filmographie. Donc, je le cite. Que tu fasses attention à tes recommandations. À chaque fois, on doit faire un disclaimer la fois d'après. Mais... Je suis nourrie de ça. Non, mais c'est difficile. On arrive de loin. Hein, parce que là, quand tu te revois les années... On arrive vraiment de loin, je trouve. Ah ouais. Mais bon. Voilà, bah, c'est pas encore fini. Donc voilà, vous avez deux recommandations qui sont peut-être potentiellement aussi pourries que le film. Donc c'est pas mal, moi, je trouve. Bah après, voilà. On n'a pas ouvert sur des trucs très positifs. Non, mais c'est pas grave. Ça sera le prochain film, ça. Voilà. Mais le truc positif qu'on peut vous dire, c'est que nous allons enregistrer un live... Oui. On va être en direct le 2 juillet à 19h au Tracteur à Sainte-Gabelle. Pour les gens qui connaissent, bah, c'est en Haute-Garonne, c'est dans le sud de la France. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont loin, bah, vous écouterez la diffusion. Il sera diffusé a priori début août. Super. Donc on enregistre le 2 juillet. Et sinon, le prochain épisode, ce sera beaucoup mieux. Mais ce ne sera pas compliqué de faire beaucoup mieux. Ce sera Rain Man. Et là, c'est deux salles, deux ambiances hein, entre Rain Man et... Regardez-le si vous pouvez. Ouais, regardez-le. Regardez-le à la place de regarder Cocktail. Franchement, c'est la cata. Que vous dire de plus ? On vous fait des bisous. On vous dit de continuer de nous suivre, de nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez nous envoyer des petits mots sympas. Vous mettez des petites étoiles sur Apple Podcast. Parce que ça, c'est sympathique. Vous en parlez à vos amis. Si ça vous a pas plu, bah vous avez nos recommandations. Vous vous occupez des recommandations plutôt que du podcast. Même si on vous conseille pas trop cette semaine. On remercie aussi notre hébergeur. On est hébergé chez PodCloud, qui fait du très bon travail d'hébergement de podcasts et de diffusion. Donc c'est très très chouette. Et après, on est sur a priori à peu près toutes les plateformes. Ouais. On a notre site internet qui s'appelle cruisecontrol.card.co. Card avec deux R. Et un A. De toute façon, et un. Enfin bref. Vous allez tout dans la description du podcast. Ou sinon, c'est vous dire que vous êtes déjà sur le site. Donc bah, voilà. Vous savez. Voilà, vous répandez la joie et la bonne humeur autour de vous et pas les valeurs de Cocktail, s'il vous plaît. Et on vous laisse avec un petit peu de musique, le seul truc positif de ce film. La musique des Beach Boys. Et on vous dit à dans deux semaines pour Rain Man ou avant si vous venez à l'enregistrement en live. Et on vous fait des bisous. Bisous.